Tout en faisant un plaidoyer pour la mesure, Michel Rumeau rappelle la difficulté de la chose à mesurer. La gêne ne peut être réduite à la simple mesure de l'intensité sonore, affirme Michel Rumeau. Il est évident que quand on a une pratique du sonomètre et de la mesure, au moins telle qu'elle apparaît dans les divers règlements, c'est-à-dire une mesure brute de l'intensité, pondérée ou non, on constate que la plupart du temps, les déclarations des gens qui se plaignent ne sont pas vraiment corrélées avec les résultats. Mais pour nous, ça ne signifie pas que la mesure soit inutile, ça signifie qu'on ne va pas fouiller assez profondément dans toutes les choses mesurables qui sont à notre disposition. Si on veut faire un catalogue, on va évoquer des choses qui vous sont connues, on va évoquer le contenu spectral, l'aspect temporel, l'aspect impulsionnel, les variations rapides. Et parmi ces bruits qui sont à variation rapide, il y aura ceux qui sont très répétitifs, et il y aura les bruits qui apparaissent de façon très discontinue. Parmi les choses qu'on pourra également mesurer, il y aura le niveau d'intensité, soit dans une bande de fréquence bien particulière, soit avec une pondération fréquentielle bien particulière. Bon, ce que je cite là, ce sont des choses connues, mais déjà quand on fait la liste, on s'aperçoit que la mise en œuvre de toutes ces techniques va conduire à un grand nombre d'éléments parmi lesquels il va falloir choisir la chose la plus en relation avec la gêne exprimée par des plaignants. Quand je dis qu'il va falloir choisir, c'est parce qu'il y a à l'évidence une grande diversité de plaintes. D'abord, il faut procéder à une étude du site, à l'écoute des gens qui se plaignent. Quand on a analysé, quand on a regardé à quel moment se produisait le bruit, quand on a essayé de l'enregistrer de façon indépendante de celui qui nous en a parlé, on s'aperçoit que ce qui est le plus significatif sur le plan des mesures, et pas toujours la chose qui est déclarée comme étant gênante. Il faut faire une différence déjà entre l'étude de la gêne et puis la vérification du respect d'une réglementation. Le laboratoire de la préfecture de police où je travaille exerce plutôt des contrôles à but réglementaire. En gros, tous les éléments qui apparaissent petit à petit comme étant à l'origine d'une gêne, ces choses-là sont pratiquement très peu prises en compte par les règlements qui se contentent de définir un niveau de bruit moyen. Une petite correction quand même à cela, c'est que tous ces règlements prévoient en annexe la possibilité d'existence d'une gêne lorsque certaines conditions sont remplies, et le fait que, après des années, un accord se soit fait, notamment sur une unité de mesure qui est le DBA, mais qui ne pouvait conduire qu'à des jugements tout à fait globaux, c'était quand même une nécessité pour pouvoir comparer entre elles des situations, tout en maintenant la possibilité de règlements locaux tenant compte de particularités dans la façon de vivre et dans la façon d'appréhender le bruit, notamment le bruit en soirée à l'extérieur. Il faut être reconnaissant au professeur Zwicker, notamment, de reposer le problème de la mesure en DBA et de proposer son remplacement par l'évaluation de la gêne en son dans des cas particuliers pour lesquels il a pratiqué l'analyse en décibels de façon tout à fait classique et puis l'analyse en son, et notamment pour des pots d'échappement de moto, pour des moteurs. La correspondance entre ces indices de gêne et puis les unités en DBA est tout à fait différente. Et ça, c'est une chose qu'il faudra bien se décider à poursuivre. Alors, maintenant que j'ai essayer de procéder à ce plaidoyer pour la mesure, il reste à citer toutes les méthodes dont on peut disposer pour le faire. J'ai cité l'aspect impulsionnel des bruits. L'aspect impulsionnel des bruits, il est facile d'en parler, il est moins facile de le définir, parce qu'il n'intervient pas de la même façon si on se situe à fort niveau de bruit, par exemple en ambiance de travail, si on se situe à niveau de bruit moyen à l'extérieur, par exemple pour des bruits de chantier, ou si on se situe dans son environnement personnel, dans une chambre ou dans un salon, et lorsque le problème n'est plus celui de la préservation de l'appareil auditif, mais celui uniquement de la gêne et du confort. À ce moment-là, les bruits impulsionnels répondent à des spécifications, à des définitions tout à fait différentes, et il convient pour les aborder d'utiliser des moyens qui sont classiques, qui sont les tables traçantes, et il convient pour ça de procéder par enregistrement du bruit à l'aide d'un magnétophone ou un système quelconque, mais on ne peut plus se permettre d'avoir une appréhension de cette grandeur-là uniquement par un sonomètre portable qui permet un constat immédiat. Nous avons le spectre. Alors le spectre, c'est une chose qui revient régulièrement et qui est citée par tout le monde, et puis par moi-même tout à l'heure, comme le premier élément qui vient après le niveau de bruit global, et puis qui apparaît un petit peu comme la chose à laquelle on recourt lorsqu'on ne sait pas expliquer autrement la gêne et l'émergence en DBA, mais c'est aussi une chose à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention. Un des exemples classiques que nous avons entendu citer il n'y a pas longtemps, qui était celui de l'oiseau qui chante, du professeur Lepp. Le professeur Lepp avait procédé à un enregistrement d'oiseaux près de la gare d'Austerlitz, et puis il montrait l'enregistrement en DBA, et bien évidemment, on ne voyait rien. Et puis il montrait après un enregistrement à l'aide d'un appareil qu'il avait lui-même contribué à développer, même s'il n'en était pas l'inventeur, qui était le sonagraphe, et on voyait sur le sonagramme une représentation dans un plan temps-fréquence avec l'échelle des amplitudes représentée par le noircissement du papier. On voyait très bien une petite tache dans la bande des 2 à 4 kHz qui indiquait l'émergence de ce bruit, et là on voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui apparaissait en même temps qu'il y avait une audition particulière.